Oui, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur Radio Gemozo. Et vous êtes sur mon émission Alain Sainteau, les couloirs de l'insolite. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un petit récapitulatif sur les mages des temps anciens et des temps modernes qui ont toujours géré, en fin de compte, aussi bien les gens du peuple, entre guillemets, et les grands de ce monde. Alors notre humanité, depuis la nuit des temps, a toujours eu besoin, avant tout, de sacrer, pour se laisser guider dans son quotidien. Aussi bien les petites gens, comme l'on dit, qui avaient comme opium l'Église, représentée par une figure spirituelle emblématique au choix de la religion de chacun, mais aussi nos dirigeants se sont laissés influencer, dirigés par un avis beaucoup moins rationnel qu'on ne voudrait l'entendre. C'est pour cela que j'ai regroupé les plus grands mages, que beaucoup et même certains, tout le monde connaîtra pour illustrer cette émission en ce jour. Un peu d'humour, quelque chose de plus sérieux par la suite. Alors je commencerai hors texte biblique par l'un que tout le monde connaît. Donc c'est notre fameux Merlin l'Enchanteur en forêt de Brocéliande qui fut le conseiller du plus grand roi de la mythologie arthurienne, repris nombre de fois par de grands écrivains, par de grands cinéastes, et même dans certains opéras dont ils font l'éloge avec la fée Moriane. Je suis personnellement allé en Bretagne, j'ai visité la forêt de Brocéliande, j'ai vu la tombe de Merlin l'Enchanteur. C'est un climat, c'est vrai, assez ésotérique, mystique, avec des inscriptions. L'imaginaire est proche de la réalité quand on est sur place. Et puis, il y en a un autre que tout le monde connaît, on a tous été élevés, on est tous tombés dedans. C'est-à-dire notre fameux Panoramix qui avisait de ses bons conseils le chef gaulois irréductible en son village. Mais ce fameux chef ne prenait jamais une décision sans l'aval de son guide spirituel, si l'on peut dire, c'est-à-dire notre fameux Panoramix. Voilà. Et puis le cinéma ensuite nous a inondés de mages légendaires qui, comme en ce moment Le Seigneur des Anneaux, en sont la preuve. Game of Thrones aussi, voilà, tous ces mages ne portaient pas la couronne, mais aucun roi ne prenait une décision sans son aval, sans les conseils de son mage, entre guillemets, de son sorcier. Même les Romains n'avançaient que suite à l'accord de leur vestale, de leur pitié pour leur conquête, leur invasion ou leur bataille. Puis le christianisme s'est arrivé, prenant aussi pour mage unique, chef spirituel de la chrétienté, sa sainteté, le pape, puisque tout roi de l'Occident ne devait obéir obligatoirement au pape. Au joug de Rome, au siège de la papauté, et était excommunié celui qui, n'obéissant pas au joug de Rome, au siège de la papauté, si celui-ci n'obéissait pas donc à sa sainteté, c'est-à-dire déchu de ses droits divins, ses sujets pouvaient ne pas lui obéir, il était excommunié, et pour regagner la faveur du pape, c'est souvent à genoux, dans une simple chemise blanche, que celui-ci avait droit au pardon. Un roi comme Henri VIII, a soi-disant trouvé la solution, donc dynastie des Tudors, que l'on a pu voir dernièrement dans la fameuse série, très bien interprétée, la série des Tudors, et celui-ci qui assassinait nombre de ses épouses, a décidé de se séparer de l'Église en formant une autre, créant une autre religion, c'est-à-dire le protestantisme, se délestant totalement de l'asservissement du pape et se nommant chef de la nouvelle église anglicane, prenant par la même occasion le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Donc on enchaînera ensuite avec John Dean, qui est donc le mage de la reine Elisabeth Ière, la fameuse reine vierge, la reine rousse, la reine chauve, qui avait pour mage John Dee, qui a fortement influencé son règne. Alors pour être mage, il fallait avoir un certain charisme, je dirais même un charisme vraiment très poussé. Il fallait être d'abord aussi fort érudit, connaître nombre de spécialités, la chiromancie, la nécromancie, les mathématiques, le spiritisme, l'art de soigner les corps, être surtout un bon psychologue pour pouvoir manipuler et avoir une emprise sur les esprits, être théologien, théoricien, naturellement la connaissance des étoiles, puisqu'on disait aussi l'avenir, et il fallait donc être astrologue, numérologue. Voilà toutes les qualités d'un bon mage qui pouvait diriger, par le biais d'un souverain, diriger lui-même le pays. Alors le premier mage dont j'avais envie de vous parler, c'est John Dee. John Dee, lui, vous ne le connaissez pas, mais bon, il a vécu très proche de la reine Elisabeth Ière, la reine vierge, qui a commencé fille naturellement d'Henri VIII, qui a commencé dans le sang, dans une période de succession très contestée. Donc John Dee, lui, était un célèbre mathématicien, un astronome, un astrologue, un géographe, et aussi un occultiste. Il a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de la chimie, de la divination et de l'hermétisme. Donc il a ouvert la voie et surtout l'étude aux sciences et à la magie à certains. Il a fait des émules, il avait des élèves. Au moment où l'on commençait à différencier justement ces deux notions de science et magie. Réputé comme l'un des hommes les plus cultivés de son époque, il a donné des cours à l'université de Paris, avant d'arriver en Angleterre, devant des salles combles, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années. Donc en 1558, la reine Elisabeth Ière accéda au trône, donc avec les difficultés que l'on connaît. John Dee devint donc son conseiller personnel en sciences et en astrologie. Il choisit lui-même la date de son couronnement, donc le pouvoir que pouvait avoir un mage sur une personnalité comme la reine première Elisabeth. Et dès les années 1550 à 1570, c'est-à-dire sur une durée de 20 ans, il fut conseiller aussi de la navigation lors des grandes découvertes. Elle fut le premier à utiliser le terme d'empire britannique. John Dee s'est marié 3 fois et il a eu 8 enfants. Il est devenu lui aussi le dernier, Arthur Dee, donc son fils aîné, est devenu lui aussi un alchimiste et un auteur hermétique. Et on le décrivait comme grand, mince, il portait une robe comme un artiste, les manches évasées et fendues, un teint blanc et sanguin, une longue barbe blanche comme du lait, et donnait l'apparence d'un homme très charmant, mais en même temps très manipulateur. Naturellement, tous les gens de la cour essayaient d'être en bon terme avec lui, puisqu'il influençait tellement le pouvoir royal qu'il fallait passer plutôt par le mage pour accéder à ses désirs. Il est parti un petit moment voir l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, donc l'empereur des alchimistes. Lui, il était vraiment féru totalement d'alchimiste. Il a permis à certains peintres de la Renaissance allemande de pouvoir exister, puisque ceux-ci, par leur production assez atypique, voire démoniaque, diabolique, cet empereur Rodolphe a protégé les œuvres de Dürer, Albrecht Dürer, c'est magnifique, mais quand vous regardez ses œuvres, elle joue beaucoup avec le diable, Archiboldo aussi, et puis de nombreux autres aussi. Ensuite, il est revenu en Angleterre, il a servi de conseiller pour des cas de sorcellerie et de possession démoniaque, parce qu'on était encore en pleine inquisition dans tout l'Occident. Cependant, il est maintenant vu comme un magicien plutôt diabolique quand il revient. Il a joué avec la sorcellerie noire et il commence à se faire détester de ses pairs. En 1598, il retourne donc dans une semi-retraite dans sa vieille maison de North Lake. Elisabeth meurt en 1603, Et là, son descendant, le roi nouveau, le roi James Ier, opposé à tout ce qui est relié au surnaturel, très cartésien, ne lui offre aucune aide. Donc John Dee, qui était fort puissant du temps de la grande reine Elisabeth Ier, vit ses derniers jours à Mortlake dans la misère, et il meurt en 1608. Il n'y a aucune trace de sa tombe. On dit que les anges lui ont enseigné le langage des nombres et la clé du savoir. Et c'est dans cette période que la reine Élisabeth fait brèche aussi avec l'Église romaine, définitivement, l'autorité des papes pour confirmer et conforter surtout la première Église protestante. Donc, on peut retrouver certaines choses sur John Dee au British Museum, qui possède pour les fanatiques de nombreux objets lui ayant appartenu. Ces objets ont pour la plupart été utilisés lors des conférences spirituelles qu'il organisait, notamment le speculum ou le miroir de Dee. C'est un objet de culte aztèque qui est fait donc en obsidienne. Donc c'est un minéral noir brillant dont la forme est semblable à celle d'un miroir à main, rapporté en Europe en 1520, qui a été détenu ensuite par d'autres grands mages, plutôt officieux, comme Horace Walpole, qui fut un grand écrivain ésotérique anglican. Et on dit qu'avec ce miroir, John Dee conversait avec les anges, ou le diable, avant de donner une réponse à la fameuse question royale que lui posait Elisabeth Ier. On y trouve aussi le grand, donc au British Museum, le grand et le fameux sceau de Dieu utilisé pour soutenir sa boule de cristal. Mais on n'a jamais retrouvé sa boule de cristal. Et une amulette en or sur laquelle est gravée la représentation d'une division qu'il a eue personnellement. Donc, John Dee aurait servi aussi d'inspiration à William Shakespeare pour le personnage de Prospero dans sa pièce de théâtre La Tempête. Voilà ce que j'ai trouvé un peu sur John Dee, qui a influencé vraiment le pouvoir royal anglais, mais aussi autrichien, puisque ami proche de l'empereur de Habsbourg. Donc ensuite, nous allons arriver en France. Alors en France, pendant le règne de Catherine de Médicis, naturellement, elle est arrivée, hein, fille des grands banquiers de Florence, elle est arrivée avec toute sa cour, elle a eu ses enfants, elle a perdu son mari, après il y a eu la guerre des successions, elle a installé Henri II, qui est décédé très rapidement, Henri III, qui a été assassiné, et aussi la fameuse reine Margot, Marguerite de Valois, qui a épousé donc Henri IV. Mais toutes ces décisions, elles ne s'entouraient que d'une seule personne pour les prendre, et c'est notre fameux Michel de Notre-Dame, qui s'appelle, son surnom si l'on peut dire, son patronyme, c'est Nostradamus. Celui-ci naît vers le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence. Et il est mort le 2 juillet 1566, pareil, à Salon de Provence. À la base, il a été un apothicaire. Et selon bien des sources, il aurait également été médecin, bien que son expulsion de la faculté de médecine de Montpellier est contestée. Mais d'autres témoignent qu'il n'était pas possible d'être les deux à la fois. Enfin, ça, c'était pour les fameux éléments de l'époque où un apothicaire ne pouvait pas être médecin en même temps. Et pratiquant l'astrologie, comme tous ses confrères à l'époque de la Renaissance, il est surtout connu, naturellement, pour ses prédictions sur la marche du monde et sur ses fameuses décades, dont je ne parlerai pas, puisque tout le monde connaît un peu les décades de Nostradamus. Je parlerai plutôt sur le côté intime qu'il avait avec Catherine de Médicis. Donc une première pause musicale. Et on va reprendre ensuite Nostradamus. Donc Nostradamus, qui part très jeune d'Avignon, puisqu'il était originaire de là-bas, je suis allé visiter cette ville. C'est vrai qu'on rencontre dans le sud de la France beaucoup la trace de Nostradamus. J'ai visité aussi Alette-les-Bains, dont j'ai fait référence dans une précédente émission. Donc voilà, pour obtenir ses diplômes de médecin et d'apothicaire. On le dit doué d'une mémoire presque divine, d'un caractère enjoué, plaisant, peut-être même un peu moqueur. Alors ses camarades l'auraient appelé le jeune astrologue, parce qu'il leur enseignait et leur expliquait les phénomènes célestes. Mystérieux alors pour beaucoup, les étoiles filantes, les météores, les astres, les brouillards. Il doit apprendre aussi la grammaire, la rhétorique et la philosophie. Mais il doit quitter l'université justement de Montpellier parce que au bout d'un an, il y a une catastrophe énorme qui arrive dans la région. La peste fait des ravages et décime tout le sud de la France, d'où ces contestations de l'obtention de ses diplômes, puisqu'il n'a pas eu le temps de les passer à cause de ces ravages de la peste. Donc, comme il a pratiqué l'apothicairerie, il s'inscrit le 3 octobre 1529 à la faculté de Montpellier pour essayer d'y gagner son doctorat en médecine. Il se fait connaître grâce aux remèdes qu'il a mis au point en tant qu'apothicaire, et pour l'instant, il ne pratique pas la médecine, mais il commence à écrire ses fameuses décades, et il se réfère souvent naturellement au ciel, puisqu'il essaye de spécialiser comme astrologue. Mais il est bientôt expulsé pour avoir exercé ce métier dit surnaturel, interdit par les statuts de la faculté de Montpellier. Donc, notre fameux Nostradamus commence à voyager pour finaliser sa formation. Donc il voyage en Italie de 1547 à 1549. Il devient spécialiste en alchimie végétale qui lui fait découvrir les vertus des confitures qui guérissent. Et oui, ça existait. Et il publie son premier traité en 1552, son traité des confitures et fardements. Donc ça, vous voyez, je suis sûr que vous ne connaissez pas ce fameux traité des confitures. On retient surtout de Nostradamus que ces fameuses décades. Et c'est la première fois qu'il signe de son vrai surnom patronyme Nostradamus. Donc Nostradamus poursuit au cours des années suivantes ses activités médicales. Le 20 octobre 1559, faisant son chemin de province à Narbonne, il s'arrête auprès du cardinal Laurent Strozzi, évêque de Béziers, et cousin de la reine, la fameuse reine de Catherine de Médicis, qui était en visite. Et la pauvre, elle ne pouvait pas sortir, remplir ses obligations royales, puisqu'elle était victime d'une crise de goutte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Nostradamus. Et il délivre alors une consultation médicale à cette personne royale, influencée par son cousin, naturellement. Et il guérit donc presque immédiatement de sa crise de goutte, la fameuse Catherine de Médicis. Sa renommée est telle que la reine l'appelle à la cour en 1555. Et donc, fait état à chaque fois de ses décisions avec ses nains, puisqu'elle aimait s'entourer des nains qu'elle avait aussi autour d'elle, qui étaient des personnages un peu mystiques. Et Nostradamus rentra pleinement en grâce auprès de la famille royale, puisqu'en 1564, à l'occasion du Grand Tour de France de Charles IX, accompagné par la reine et de Henri de Navarre, futur Henri IV. Donc la reine le nomma conseiller et médecin du roi. Ensuite, on le retrouve, il le suit partout. Il le suit à Arles, qui fut par la suite richement doté. Donc par ce roi qui lui était devenu aussi indispensable. Et puis, il meurt brutalement, donc dans des circonstances assez mystérieuses. Il fut retrouvé mort le 2 juillet 1566, au matin. Et, il mourut donc à Salon de Provence d'un œdème dit cardio-pulmonaire. Alors, on connaît son testament, le devenir exact de sa dépouille. Son tombeau fut édifié dans l'église des Cordeliers, puis profanée comme beaucoup en 1793 par les sans-culottes. Alors ces ossements, naturellement par tous les nécromanciens, tous les mystiques, ont été pillés, dispersés, même vendus en reliques. Et un petit témoignage, un Marseillais qui dit que d'après la tradition locale, un se serait emparé du crâne et aurait bu dedans, le crâne de Nostradamus, et des pouvoirs de prédication et de prémonition seraient donc advenus à cet homme. Et il en aurait vécu toute sa vie. Et finalement, les dernières reliques qu'on a pu retrouver, rassembler, sont enterrées dans la collégiale de Saint-Laurent, à Salon de Provence. Donc Nostradamus n'est pas connu que pour ses décades. Nostradamus a été vraiment dans l'entourage royal, proche de Catherine de Médicis, influençant même le mariage d'Henri IV avec Marguerite de Valois, que l'on a connue comme la reine Margot. Voilà, donc maintenant nous passons à un autre personnage que vous connaissez sûrement. Ceux qui regardent la série, notamment Nicolas Le Floch. On arrive au XVIIIe siècle. C'est un ami de la Pompadour, donc maîtresse du roi Louis XV, et c'est le fameux comte de Saint-Germain. Alors, le comte de Saint-Germain, toujours pareil, aussi énigmatique, né probablement entre 1690 et 1710. Il y a quand même une sacrée différence suivant les endroits où on l'a rencontré. Alors lui, il avait des pouvoirs qui étaient assez hors normes. Et, il est né un 27 février et il est mort aussi un 27 février. Et donc c'était un aventurier français du XVIIIe siècle. Lui, il était réputé en alchimie. Il était aussi musicien, peintre et assez polyglotte, c'est-à-dire qu'il pouvait aller dans tous les milieux aristocratiques et pouvoir séduire par un pouvoir d'érudit toute personne incrédule et surtout faible de personnalité. Sa naissance n'a jamais pu être conjecturée sur des témoignages, pas d'acte de naissance. On pense que c'était le fils bâtard d'un grand, comme le prince François Rakowitz de Transylvanie, et donc de la princesse violente Béatrice de Bavière de la maison de Wittelbach. Et donc c'est pour ça qu'il a bénéficié d'une éducation aristocratique. Quoi qu'il en soit, certains virent en lui le descendant caché de quelques grandes personnalités royales, et dans cette filiation supposée la raison de son intimité, donc, directement avec le roi Louis XV. Et c'est ce qui expliquerait aussi son train de vie aisé qu'il a toujours mené, une éducation et une grande culture. En effet, outre ses connaissances, certaines en chimie, Saint-Germain est reconnu par ses contemporains comme un homme de très grand savoir, habile et peintre de qualité. Alors, il a résidé à un certain moment à Londres, où il brille dans les salons comme musicien. Le comte de Saint-Germain donc quitte un jour la capitale britannique en 1746. On perd sa trace pendant 12 ans. Alors, pour certains, il se retire en Allemagne. Pour d'autres, il se consacre à ses recherches chimiques et alchimiques. Et encore pour d'autres, il voyage jusqu'en Inde et au Tibet, par rapport à certains témoignages écrits. Mais aucune preuve de ses périples n'est avancée. Mais on constate plus tard, en effet, que le fameux comte de Saint-Germain a une profonde connaissance de l'Orient. Il arrive donc à Paris en début de 1758, et il demande à la maison royale directement une mise à disposition afin qu'il puisse y installer un laboratoire et une manufacture, promettant en échange à Louis XV la plus riche et la plus rare découverte que l'on ait faite, parce que le comte de Saint-Germain se disait connaître le secret de la pierre philosophale et la transmutation des métaux, c'est-à-dire le plomb en or. Donc on lui attribue, et ça peu de gens le savent, le château de Chambord, une grande bâtisse à l'époque de la Renaissance, mais totalement désertée. Saint-Germain y installe ses assistants, ses ouvriers et son laboratoire dans les communs. Pourtant, il est plus souvent à Paris qu'à Chambord. Il se fait présenter à la marquise de Pompadour, qui elle-même était très proche du roi Louis XV. Celui-ci appréciait vraiment énormément le brillant personnage, qui très vite devient l'un de ses familiers, voire un de ses intimes, puisqu'il ne le quittait pas et ne prenait aucune décision sans l'aval du comte de Saint-Germain. Alors si le comte de Saint-Germain s'est attiré la sympathie du roi, s'il est en revanche aliéné, par contre, voilà, quand on se fait des amis, on se fait obligatoirement des ennemis. Alors il s'est mis à dos beaucoup de monde quand même. Donc le fameux duc et grand puissant duc de Choiseul invente celui-ci des histoires comme quoi le comte de Saint-Germain était totalement immortel et que celui-ci se disait avoir bu dans la même coupe qu'Alexandre le Grand, ou qu'il aurait même connu Jésus et qu'il lui aurait prédit cette fin abominable. Donc, voilà, c'est toujours les problèmes de cour. Hein. Quand on est puissant auprès du roi, on s'attire des ennemis et on s'attire bon nombre de faux amis. Une vraie amie, on peut parler de la comtesse d'Adhémar, donc dame du palais de la reine Marie-Antoinette. Donc là, c'était avant qu'elle ne fût reine. Donc elle relate entre autres la démonstration de transmutation d'une pièce d'argent en or que Saint-Germain fit dans un salon un matin comme une chose totalement banale. Et la comtesse d'Annemar raconte aussi la visite de Saint-Germain que l'on appelle aussi de temps en temps Monsieur de Saint-Noël. Et donc, il a une conversation avec le roi Louis XV. Et celui-ci, par une prémonition, lui apprend sa funeste vision, c'est-à-dire la Révolution française. Et il parle de son petit-fils, qui sera donc Louis XVI, en lui disant « Ce règne lui sera funeste, donc à Louis XVI ». Il se forme une conspiration gigantesque qui n'a pas encore de chef visible, mais il paraîtra avant peu. On en veut à la famille royale, au clergé, à la noblesse, à la magistrature. Cependant, il est temps encore de déjouer l'intrigue. Donc il essaye de prévenir Louis XV que dans 20 ans plus tard, on ne pourra plus rien. La révolution sera en marche et amènera donc la fin de la royauté en France. On va écouter encore une petite pause musicale. Yama prestalai. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7. Au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et 9. 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la Terre du Milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la Terre du Milieu. Voilà, donc un petit extrait du Seigneur des Anneaux. Et là, donc, on se retrouve avec le fameux comte de Saint-Germain qui, lui, pratiquait la transmutation des métaux, c'est-à-dire le plomb en or. Il s'était référé à certains ouvrages de Nicolas Flamel, un grand alchimiste du XVIe siècle. Et Saint-Germain passait à la cour, c'est la légende qui le dit, pour un personnage exceptionnel qui, amusé par les rumeurs qu'on nous disait sur lui d'immortalité, ne les avait jamais démenties. Et donc, le secret persistait sur cette immortalité. Et toujours dans son histoire, il symbolise donc le plus vieux rêve de l'homme, c'est-à-dire ne jamais mourir. Il était habillé de vêtements couverts de bijoux. Il n'absorbait que des pilules, du pain et du gruau de blé. Et parlait et écrivait le français, l'anglais, l'italien, le sanskrit, l'arabe, le chinois, le grec, le latin, l'allemand, le portugais et même l'espagnol. Il peignait, il était un virtuose au clavecin, au violon, il composait aussi de la musique. Il aurait été très versé en chimie et en alchimie. Les gens de l'époque croyaient qu'il avait accompli le grand œuvre, justement, le fameux grand œuvre alchimique, qui apporte l'immortalité, c'est-à-dire aussi la pierre philosophale. On lui attribue d'ailleurs l'ouvrage d'alchimie, la très sainte Trinosophie. Mais cela n'est pas prouvé, et c'est souvent contesté. Il avait une grande passion pour les prières précieuses. Ça, c'était une passion qu'il avait en commun avec Louis XV. Puisque Louis XV, sur sa fameuse couronne, on avait le régent, qui est maintenant un des plus gros diamants, naturellement, que l'on peut voir dans la fameuse galerie d'Apollon du Louvre, qui est sur la couronne des rois de France. Et donc, il en avait toujours de grandes quantités sur lui, comme nous, on peut avoir des pièces de 10 centimes d'euros dans la pièce, et souvent d'une grosseur extraordinaire, et il affirmait même détenir un secret permettant de faire disparaître les défauts des diamants pour leur amener une pureté incroyable. Alors les croyances populaires lui prêtaient le souvenir naturellement de ses vies antérieures et une sagesse correspondante, d'où aussi son érudition dans les langues, puisque pour visiter autant de pays, il faut une vie immortelle. Et il disposait, soi-disant, d'un élixir qui lui a donné une vie très longue, soi-disant, toujours la légende, de 2 à 4 000 ans. Alors, lui-même semble quand même assez modéré sur ce principe, et il dit simplement, quand on lui pose la question, il lui dit non, j'ai simplement 300 ans. Et si on posait la question à son domestique, interrogé sur le même point, celui-ci répondait « Je ne puis vous dire, il n'y a que 100 ans que je suis à son service. » Voilà, donc le fameux comte de Saint-Germain qui a influencé beaucoup Louis XV, les débuts de Louis XVI et Marie-Antoinette. Il est mis en défaveur en 1766, suite à un scandale totalement de mœurs. Donc il prend la protection du roi de Prusse, Frédéric II, mais il le quitte l'année suivante. Il part sur la Baltique, où il est hébergé par le prince de Hesse-Cassel, et il meurt, comme je vous l'ai dit, encore un 27 février 1784. Et là, l'acte quand même de décès notifie un âge avancé pour l'époque de 93 ans. Donc peut-être que l'élixir de la vie lui aurait été son principal élixir de vie. Alors donc maintenant on passe avec un autre mage, c'est Gagliostro. Donc Gagliostro c'est un ancien élève du comte de Saint-Germain. C'est un aventurier italien né à Palerme en Sicile autour du 2 juin 1743. Et il avait pour prénom Josephus, Johannes Battista, Vincenzo, Petrus, Antonius, Matthäus. Et il est mort dans la prison pontificale de San Leo, près de Nubeno, vers le 26 août 1795. Donc vous ne connaissez peut-être pas Gagliostro, mais en fin de compte, je pense que tout le monde le connaît. Parce qu'il a aidé beaucoup Alexandre Dumas à écrire sa fameuse histoire sur Balsamo. Joseph de Balsamo, un très très bon livre et un très bon film avec Jean Marais dans les années 70, je crois, une très belle série. Donc Gagliostro, donc ami avec la marquise de la Motte Valois, qui était ami aussi avec le cardinal de Rohan, donc l'affaire du collier de la reine, où celle-ci a perdu tout discrédit au niveau de l'aristocratie française, et cela a entraîné en même temps la guillotine du roi, de la reine, et donc la déchéance totale de la royauté. Et c'est naturellement la Révolution française. Donc, il est élève du comte de Saint-Germain. Il a été obligé de partir de bonne heure, de quitter sa patrie. Et lui-même, il parcourt de 1764 à 1767, sous différentes identités, la Grèce, l'Égypte, l'Arabie, la Perse. On le trouve à Malte aussi, à Naples, à Rome, et presque toutes les villes de l'Europe. Il acquiert de ses voyages la connaissance de quelques secrets, alchimiques, médicinaux, et aussi, il prédit l'avenir, et il est astrologue. Il se fait une grande réputation, et il arrive à Rome. Il épouse Lorenza Feliciani en 1768. Celle-ci l'aidera dans ses escroqueries, parce qu'il a usé de tous ses talents pour surtout escroquer les gens dans la cour de Louis XVI, et notamment la fameuse reine Marie-Antoinette. Il a rencontré Casanova à Aix-en-Provence, il a voyagé encore en Europe, et il a été initié à la franc-maçonnerie, ce qui lui a donné beaucoup de cartes d'entrée en arrivant en France. Donc, lui confirme vraiment, qu'il prétend vraiment qu'il est élève du comte de Saint-Germain, mage de Louis XV. Il affirme aussi posséder une eau de jouvence. Donc, on revient sur le fameux élixir de l'immortalité. Un sérum de perpétuelle jeunesse qu'il vend. Mais bon, jusque maintenant, on n'a pas de preuve que ce sérum était efficace. Et naturellement, c'est surtout les crédules qui lui achetaient. Et il vendait très cher tous ces élixirs. Il faisait des pilules, il faisait des tours de magie, il faisait des tours de sorcellerie. Et il prétend avoir le pouvoir de faire apparaître les morts. Donc tout ça pour des gens, des aristocrates oisifs, ça intéressait, on le payait. On lui ouvrait toutes les portes de salon. Et surtout la franc-maçonnerie dite égyptienne, dont le conseiller au Parlement Jean-Jacques Duval des Prémenil, de ses amis, lui ont ouvert un certain pouvoir aussi officieux dans les coulisses de l'aristocratie. Son succès prodigieux dans la bonne société parisienne s'explique aussi par sa personnalité. Naturellement, toujours élégant, ou alors avec une toge noire, en même temps avec les signes de la franc-maçonnerie, très à la mode à l'époque, mais surtout parce qu'il a derrière lui une demi-douzaine de gentilshommes qui spéculent sur les effets de ses pouvoirs produisant sur une société aristocratique fortunée et blasée. En 1785, la carrière de ce sorcier de salon est brisée par l'escroquerie, naturellement, connu sous le nom de l'affaire du collier de la reine, dans laquelle il se trouve entraîné par le cardinal de Rohan. Donc, suite à cette affaire, naturellement, la comtesse de la Motte-Valois, elle, est embastillée aussi. Lui-même est embastillé, mais soutenu par la franc-maçonnerie, il est libéré et expulsé de France en 1786. On le retrouve en Italie centrale, c'est-à-dire Rome. Là, le courroux du pape, il rentre en prison et il décède très peu de temps après la Révolution française, c'est-à-dire dans la nuit du 27 août 1795, au Castello Sant'Angelo, la fameuse forteresse papale, juste, vous savez, à l'entrée du Vatican. On dit qu'on a retrouvé ses restes, et pareil que pour certains grands mages, on a repris ses restes, on les a vendus comme reliques, et naturellement encore un qui prend son crâne pour y prédire l'avenir et en faire commerce. Donc voilà, moi je vous conseille de connaître Cagliostro, surtout par le fameux livre d'Alexandre Dumas, dans Joseph Balsamo, Le collier de la reine, La comtesse de Charny, donc adapté en feuilleton télévisé dans les années 1870. Donc vous voyez, voilà, une petite pause musicale avec un air de clavecin de Klug, qui était le professeur de chant et de musique de Marie-Antoinette, justement, pour clore ces mages du 18e. Ensuite, on enchaînera avec un autre mage que tout le monde connaît, Rasputin. Le fameux Rasputin qui a donc géré, lui, au 19e siècle, la cour du fameux tsar Nicolas II, de la tsarine aussi, et du fameux tsarevitch Alexis, qui était hémophile. Donc on trouve un acte de naissance autour du 9 janvier 1869 pour ce personnage dans le petit village de Prokofskoï. Alors lui, il est assez particulier. D'abord, c'est un pèlerin, il parcourt la Russie, qui est naturellement à l'époque, qui est toujours un énorme territoire. On le classe dans les mystiques, et par contre guérisseur rebouteux. Donc il a été le confident par la suite avec Alexandra Fedorovna, donc l'épouse de l'empereur Nicolas II, ce qui lui a permis d'exercer une forte influence au sein de la cour impériale jusqu'à son assassinat à Petrograd, tout le monde connaît, par le prince Youssoupov, représentant de l'aristocratie russe. Et donc, Rasputin était originaire des confins de la Sibérie. Il se présentait comme un simple strachnik, enfin un serf, donc un pèlerin mystique errant, et se prétendait simplement prophète. Il avait des visions. Donc, par contre, aucune source ecclésiastique n'atteste néanmoins son appartenance à un quelconque ordre religieux. Mais Rasputin affirmait sa fidélité tout de même à une discipline, c'est-à-dire à l'église orthodoxe russe. En revanche, il fut à plusieurs fois suspecté d'appartenir à la secte des Clistes. Donc ça, c'est une secte dont on pourra parler dans une autre émission. Donc l'hypothèse la plus généralement retenue est qu'il fut surtout un aventurier se présentant comme pèlerin itinérant, doté d'un grand pouvoir, notamment de séduction, d'où son charisme. Le personnage faisait 2 mètres de haut, avait des yeux totalement hypnotiques et une allure assez désinvolte, jamais d'habits de luxe et les cheveux très gras, hirsutes avec une barbe tout en temps hirsute. Donc en 1907, Rasputin, qui s'est acquis une réputation comme guérisseur, est pour la première fois invité par le couple impérial au chevet de leur fils, le tsarevitch Alexandre, le petit tsarevitch, donc leur unique garçon et l'héritier du trône, qui était atteint d'hémophilie, donc ce qui remettait beaucoup de choses en question au niveau justement de la succession. Donc ce n'est que plus tard que Rasputin devient un personnage influent, en particulier après septembre 1915. On a pu prétendre que Rasputin a participé à jeter le discrédit sur la famille royale, enfin la famille impériale plutôt, et qu'il a constitué l'un des éléments qui causèrent la chute des Romanov. Donc la tsarine et sa famille ont pu le considérer comme un guérisseur, un mystique, voire un prophète. Mais ses ennemis l'ont décrit comme un charlatan débauché, mu par un appétit de richesse démesurée, et même comme un espion des cours étrangères, puisqu'on était quand même à la veille de la guerre mondiale 14-18, où les intérêts germaniques se confondaient avec les intérêts russes. Donc la tsarine, très influente et surtout très pieuse, ne voyait que par le tsarevitch, qui était toujours malade, donc hémophile à l'époque, c'est toujours quelque chose de terrible, c'est-à-dire la moindre blessure, on pouvait en mourir. Et donc, longtemps inquiète, elle n'avait pas donné déjà d'autres héritiers mâles, il y avait les 4 grandes duchesses qui étaient là, mais elle ne pouvait plus avoir d'enfants, donc l'héritage ne se transmettait que en héritier mâle, et là, elle avait pris l'habitude d'attirer autour d'elle un certain nombre de mystiques et de guérisseurs pour pouvoir préserver le petit Alexis. Donc, elle était séduite par Rasputin, qui lui avait annoncé quelques années auparavant la naissance de son fils, et qui lui avait donc annoncé la venue d'un grand prédicateur qu'il avait nommé notre ami. Donc il l'a fait rentrer totalement dans l'intimité de la cour impériale, et après une audition et une guérison, l'impératrice, la tsarine Alexandra Fedorovna, ne voyait que par lui pour prendre toutes les décisions au sujet de ses enfants. Les parents donc sont séduits par les dons de guérisseur de cet humble moujik, qui semble aussi avoir celui de prophétie. Alexandra se convainc que Rasputin est un messager de Dieu et qu'il représente l'union du tsar, de l'église et du peuple, et qu'il a la capacité d'aider son fils par ses dons de guérisseur et ses prières. Mais elle ne voyait pas tout ce qui se passait et la misère qu'il pouvait y avoir dans le peuple russe. Et sa réputation permet à Rasputin de se rendre indispensable. Il prend très vite un ascendant considérable sous le couple impérial. Invité à de nombreuses réceptions mondaines, il fait la connaissance de nombreuses femmes riches. Rasputin inquiète, il fascine. Son regard, son fameux regard perçant, est difficile à soutenir. Il a beaucoup d'admiratrices et beaucoup cèdent à son charme hypnotique. Elles le prennent pour guérisseur. Donc, la guerre va commencer donc à éclater. Mais le tsarevitch est malade déjà depuis un certain temps, victime d'hémorragie interne que les médecins n'arrivent absolument pas à contrôler et qui le font énormément souffrir. Donc, à chaque fois, on appelle Rasputin en désespoir de cause. Après avoir béni la famille impériale, entre la prière, il s'occupait du tsarevitch. Et au bout de 10 minutes, épuisé, il se relevait en disant « Ouvre les yeux, mon fils !» Et le tsarevitch se réveillait en souriant. Et dès cet instant, son état s'améliorait pour un certain temps. Dès lors, donc, familier de la famille impériale, dans leur résidence d'été à Tsarskoïe-Selo, il est chargé de veiller sur la santé totale de la famille impériale, qui lui donne une entrée permanente, ce qui n'est pas le cas de la plupart des grands du royaume. Donc, ombrage à tout ceci, d'où beaucoup d'ennemis. Il est reçu officiellement à la cour, il est anobli. Et malgré tout ça, c'était un moujik, hein, donc il lui manquait une certaine éducation. Et à côté de ça, il continuait à mener une vie dissolue, de beuverie, de débauche, qui ne plaisait pas donc à tout le monde. Donc, une conjuration aboutit à son assassinat dans la nuit du 16 au 17 décembre 1716, alors qu'il est l'invité du prince Félix Youssoupov, dont on vient de vendre les affaires il y a à peu près un an, puisque le prince et la princesse Youssoupov ont pu quitter la révolution russe et vivre sur la côte niçoise. Ils sont décédés il y a un certain temps et un de leurs héritiers a vendu il y a un an à peu près beaucoup de témoignages photographiques, même des habits, des photos, des cadeaux offerts par le tsar Nicolas II. Donc, le fameux Rasputin, dans une mort très violente, à l'arsenic, ensuite poignardé, ensuite son corps a été brûlé, partiellement brûlé parce qu'on retrouve son corps, donc... quelques jours après, complètement congelé dans le fleuve traversant Moscou. Donc voilà, ensuite, comment s'effondre l'Empire russe et l'influence est justement ce que peut amener un mage dans le pouvoir temporel. La dernière, une des dernières dont j'avais envie de parler, c'est que on a encore M. Mitterrand qui avait pour ami, mais surtout aussi pour mage, si l'on peut dire, Elisabeth Tessier, donc, qui était une ancienne mannequin et actrice. Et Elisabeth Tessier, donc, qui elle a été l'objet de plusieurs controverses, dont son obtention de sa thèse de doctorat et de sociologie a été contestée par toute la communauté scientifique. Mais elle était proche de Mitterrand, qui donc dirigeait la France et avait besoin de ses aides pour pouvoir souvent prendre une décision. Après, Elisabeth Tessier affirme avoir vu, avoir pressenti certains événements, comme les catastrophes sur la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc, elle existe naturellement toujours, elle a écrit beaucoup, et c'est une personne moderne du XXe siècle qui a quand même influencé un homme politique avec une autorité mondiale. On parle aussi un petit peu de Yagel Didier, donc, qui, elle, a certaines visions. Elle dit avoir vu Marie-Antoinette. Un petit exemple, sans doute mes voyances liées à Marie-Antoinette, la première fois que je l'ai vue. J'étais en compagnie d'historien, quand même, Franck Ferrand, quand même, qui est un ami d'autres historiens que je ne nommerai pas. Et elle parle, naturellement, nous étions à Trianon, assis sur les fauteuils du petit théâtre de la Reine. Soudain, elle était parue, elle s'est mise à parler à travers moi, une heure durant. Elle a fait des confidences extraordinaires sur sa vie, ses proches. Et donc voilà, elle commente ça aussi dans un certain livre. Et puis elle a rencontré aussi Louis XIV. Enfin, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a toujours eu des mages, ça a façonné quand même notre passé. Il y en a d'autres qui arrivent, il faut absolument faire attention, mais les gens simples comme les gens crédules, mais autant les gens de pouvoir sont souvent influencés par ces gens qui ont certainement influencé le cours de l'histoire. Voilà, donc cette émission se termine. Et nous parlerons dans une autre émission, par contre, des sectes qui, elles aussi, ont influencé nombre de personnages historiques. Sectes comme les Rose-Croix, comme les francs-maçons, et autres bien plus anciennes comme les Templiers, les Chevaliers de Malte, qui existent toujours. Donc voilà, cette émission se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci.